Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nikos. Oui, bonsoir. Bonsoir Nikos, comment vas-tu? Écoute, ça va. Un petit dimanche tranquillou. Merci déjà pour l'invitation, ça fait plaisir. Et merci à toi de l'avoir accepté. Et quelque part avec ce confinement, on n'y est pas, mais bon, on va dire avec cette situation un petit peu bizarre, on va dire c'est dimanche tous les jours quasiment pour nous, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, y a plus vraiment. Je me suis plaint avec un pote une fois il y a pas longtemps où je disais ouais parce que j'avais un rendez-vous je crois le dimanche matin. Et je dis, ouais, je vais me lever dimanche matin et tout. Et en fait, il n'y a plus de jours. Donc, je veux dire, le lundi, mardi, mercredi, enfin, je me lève tout le temps tard. Donc, si un jour, ouais, je me lève tôt, c'est pas grave, tu vois, même si c'est dimanche. Mm-hmm. Bah oui, non, c'est clair. Je te comprends tout à fait. Bah, on a perdu nos repères et tout. Après, toi, tu as peut-être un boulot à côté? Je suis étudiant, donc voilà. Et à côté, j'ai les chroniques chez Radio Contact. Donc, ça m'oblige à avoir quand même une certaine régularité, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, je ne suis pas encore à 100% dans l'humour et tout. Moi, je continue mon boulot. Moi, je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la tech à Bordeaux. Ok, ouais. Voilà, et donc, c'était une bonne nouvelle, en fait, quand il y a eu, tu vois, tout ce qui est arrêt de spectacle et tout. C'était une bonne nouvelle pour moi, même si, bien sûr, j'en souffre. Hein, mais la bonne nouvelle, c'est que je ne dépendais pas financièrement. Et j'ai vraiment une pensée pour tous ceux qui font que ça et qui, du coup, se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage, quoi. Ah non, de ouf. Moi, heureusement, je suis aussi étudiant, donc... Vraiment, je suis dans les chanceux, quoi. Parce qu'au début, moi, je voulais arrêter mes études pour faire ça. Et ma mère me disait non, pas bonne idée. Et heureusement. Ta mère avait senti le truc, tu sais. Ta mère avait senti le truc. D'ailleurs, peut-être qu'elle est complice. Hein. Bon, écoutez, Madame Nikos, si vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, on en a marre. Là, on n'en peut plus, là. Je continue mes études, promis. Ouais, mais voilà. Mais tu sais, si c'est que ça, je vais te dire la même chose que j'ai dit à Bénin. Si c'est tes parents qui sont derrière ça, bah écoute, on va se passer de toi. C'est pas grave. On va te sacrifier et nous, on reprend le stand-up. C'est bon. Yes. Bon, et donc, ouais, le manque n'est pas trop dur à gérer en ce moment? Eh bien, en fait, au début, au tout début, non. Genre, j'avais des potes qui faisaient, ouais, j'ai envie de jouer et tout. Et moi je dis bon ben je trouve pas, j'ai pas l'envie, je trouve que au début il y avait pas le manque. Par contre maintenant ça commence à faire vraiment long, et en fait c'est non seulement c'est un manque, mais il y a aussi un questionnement. Je me demande est-ce que je vais encore réussir à être drôle. En fait j'ai oublié est-ce que je sais faire rire, tu vois, parce que quand tu joues une fois avant que ça s'arrête en mars, j'avais genre 14 scènes sur le mois ou des trucs comme ça, et donc ça faisait que je jouais un jour sur deux, et donc en fait tu sais si t'es drôle ou pas, tu le vois directement, machin. Ici, j'ai oublié, donc je sais plus si en effet. Et donc, c'est ça aussi le manque, c'est le manque de faire rire et le manque de savoir si c'est drôle et le manque de scène et tout. Ouais, ça commence un peu, ouais. Bah, je comprends, et moi j'ai eu un petit peu le même réflexe que toi au début, tu vois, genre sur le premier confinement. Bon, ça m'a vraiment fait mal hein, parce qu'on s'y attendait pas, mais je me disais est-ce que je vais pouvoir reprendre, est-ce que je vais pouvoir c'est-à-dire, tu sais, comme le vélo, est-ce que ça s'oublie pas, tout ça. Et j'ai repris après au mois de juillet, et quand j'ai repris, ça m'a fait tellement de bien. Bon, j'ai oublié quelques vannes et tout, hein, normal, mais ça m'a fait tellement de bien. Et là, la différence avec cette période-là de fermeture des salles, c'est que là, on n'a pas de date, tu vois. On ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre et tout. Et c'est ça qui est douloureux. La bonne nouvelle, c'est que grâce au premier confinement, je sais que reprendre, c'est possible. Il va y avoir un petit tour de chauffe ou quoi avant, tu vois. Les premiers tours de pédale, en fait, vont être durs, quoi. Les premières scènes, tout ça, ça va être un peu des brouillons, si tu veux. Mais après, tu reprends vite, c'est pas grave, ça se reprend très très vite. Et puis le plaisir est là pour te rappeler pourquoi tu fais ça. Donc ça va. Mais là, le truc, c'est que je sais même pas quand est-ce qu'on va reprendre. Et c'est cette appréhension-là, cet inconnu-là, tu vois, ce mystère qui fait que c'est douloureux, quoi, maintenant. Ouais, clairement. Moi, j'arrête d'espérer un peu. Genre, tu vois, au début, je suivais les dates où ils disaient. En mode, ouais, ça reprend le X, ça reprend machin, machin. Et au début, je suivais un peu tout ça. Et maintenant, juste. Je me laisse bercer et quand on me dira c'est rouvert, je vais cool. Voilà, bah j'ai fait un peu comme toi aussi. Au début, ils nous avaient annoncé le 15 décembre. Nice. Voilà, ouais. 4 jours avant ou un truc comme ça, ils nous annoncent finalement, ce ne sera pas le 15 décembre. Ce sera, on ne sait pas encore quand, mais on vous le dira le 7 janvier. 7 janvier, je l'attendais comme un toxico, tu vois. Et à 7 janvier, on nous dit pour le moment, non, toujours pas. Et les restaurants qui devaient rouvrir le 20 janvier, finalement, ils ne rouvriront pas avant mi-février. Après ils nous refont un discours, ils nous disent finalement les restos et les bars ce sera au moins début avril. Oh, franchement, Alors, c'est. Donc, je suis comme toi. Voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Tu vois, je me laisse bercer. Et quand ça reprendra, bah, je reprendrai. Mais c'est dur. Très, très dur. Ouais, ça Bon. commence. Mais écoute, merci beaucoup pour cette tranche de bonne humeur. Hein. Je suis ravi qu'on ait. On est dans le podcast de la joie, là, tu sais. Ah ouais, je vois bien, ouais. Mais après, tu vois, il y a quand même du positif. Moi, je sais que ah ouais, moi j'ai une peur avec tout ça, c'est que le jour ce sera fini parce que ça va se finir, tu vois. D'office, c'est une période. Déjà, ça, il faut pas l'oublier. Je pense que faut garder à l'esprit que ce ne sera pas notre vie pour tout le temps, tu vois. C'est genre, ça va s'arrêter forcément et la vie va d'office reprendre comme avant, tu vois. Mais genre, j'ai peur de pas avoir rentabilisé tout le temps que j'avais, tu vois. C'est-à-dire le temps libre pendant le confinement et tout. Parce que toi, ici, on se plaint souvent qu'on n'a rien à faire, qu'on s'ennuie, machin. Et j'ai peur que quand tout va reprendre et très vite, eh ben, en fait, j'avais tellement de temps pour moi et j'ai tellement pas fait tous des trucs que je pouvais, je sais pas, apprendre à dessiner. Je pense que cette crainte-là, on l'a tous. Tout le monde, bah, tu sais quoi, tout le monde pendant le premier confinement, tout le monde a dit, bah, tu sais quoi, je vais en profiter pour apprendre à faire ci, apprendre à faire ça, apprendre telle langue, apprendre, je sais pas moi, apprendre à me servir. Bon, beaucoup d'humoristes en fait se sont dit, je vais en profiter pour apprendre, tu vois, genre tout ce qui est montage et tout de vidéos. Comme ça, au moins, je vais pouvoir être actif sur YouTube et tout. Donc, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. On avait tous des objectifs. Tout le monde s'est dit, tiens, le livre que j'ai acheté il y a 5 ans et que j'ai jamais eu le temps de lire, je vais le lire, tout ça. Et au final, on a quasiment rien fait. Ouais. Non, on est tous pareils, t'inquiète pas. Mais tu sais, j'ai l'impression que l'être humain est procrastinateur de base, quoi, tu vois. Donc ne t'inquiète pas. Hein, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu penses que tu as pris du retard, enfin que t'as pas profité de ton temps, mais tous ceux que tu retrouveras sur scène se diront la même chose aussi. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Donc, après, voilà, ça va revenir. On va tous kiffer là. Les premières scènes, ça va être Grave. le Ah feu. là. La première scène, je sais pas. Alors, j'espère que ce sera fini d'ici là, le corona, parce que je crois que je serai tellement content de remonter sur scène que je ferai un câlin à chaque spectateur. Ah, je te jure, vraiment. Enfin bref, ça nous manque, hein, ça nous manque tellement. Et donc, en parlant de scène, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais. Bah oui. Comme tous les gens qui sont passés ici, j'imagine. Ouais, ah, t'inquiète pas, hein, vraiment, il n'y a pas de jugement ici. Ah, Là, trop. tout le monde s'est pris des bides, tout le monde a galéré, tout est possible, tout est acceptable, il n'y a pas de problème. Donc en gros, c'était. Bon, je sais plus c'était en quelle année, mais du coup, j'ai commencé la scène en 2018, fin avril, et j'ai joué, je crois, 6 mois après. J'arrive à avoir via un contact pour aller jouer au Point Virgule à Paris. Ah, belle salle, très belle salle. Voilà. Donc c'était le petit Point Virgule, je crois, c'était pour un tremplin. Moi, je suis super content d'aller jouer là, parce que c'est une belle salle, reconnue, machin. Ça fait 6 mois que je fais de la scène, donc je me dis incroyable. Donc, sauf que moi, j'habite à Bruxelles. Du coup, pour aller là-bas, ça me met 3h30 de Flixbus, tu vois. Ouais. Et ça met 3h30 de Flixbus pour aller là. Mais je suis trop chaud. Ça fait 6 mois que je fais de la scène. Je me dis, vas-y, 3h30 d'aller, 3h30 de retour pour 8 minutes de scène, c'est rentable, tu vois. Bah écoute. Honnêtement, le point virgule, c'est vrai que c'est très spécial, hein, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un endroit réputé, renommé. Il Ouais, de y a ouf. eu tous les grands là-bas, tu vois, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Élie Kakou, Florence Foresti, tout ça, ce sont des gens qui ont commencé, enfin pas commencé là-bas, mais qui ont explosé un peu là-bas, tu vois. Donc vraiment, c'est une scène mythique et je te comprends tout à fait. Et je voudrais juste revenir sur tes 3h30 de Flixbus. Moi, je suis un grand, grand, grand consommateur de Flixbus aussi. Ah ouais. Et je crois que le record, parce que 3h30 aller, 3h30 retour, pour moi, c'est une balade. Il n'y a pas de souci. Ah ouais. Le record, je ne voudrais pas te faire peur, mais je crois que le truc le plus fou que j'ai fait en Flixbus, c'est que j'ai tapé genre 14h ou 15h de Flixbus pour aller jouer à côté de Strasbourg. Tu vois, donc moi je suis dans le Ah sud-ouest, je ouais. suis à Bordeaux, et je devais aller jouer dans le nord-est, du coup, à côté de Strasbourg. Donc j'ai tapé genre, on va dire, allez, 14 heures de route, 13 ou 14 heures pour aller jouer, ouais, 10 minutes. Ouais, bon, c'était la première partie de Jean-Marie Bigard, donc ça valait le coup, Ah tu vois. Mais donc ouais. vraiment, 13 ou 14 heures, je te jure, je suis arrivé, j'étais lessivé. Ah bah ouais. Non mais 15 ans, mais t'es un ouf toi. Mais hey, Non. quand tu vois que, bah, je pense que tu aurais la même réaction que moi, tu vois, quand c'est pas encore ton métier officiel, quand t'as pas encore des gros gros cachets, je sais pas, moi, on te propose, on te dit viens jouer et tout machin, tu regardes la distance, tu vois qu'en train ça va te coûter 90 ou 95 euros et en Flixbus ça va te coûter 2,70 euros, Ouais, tu vois? Mais il y a, ouais, y a un choix assez naturel qui se fait, tu vois. Mais du coup, ouais, je fais ce trajet pour aller partir, je suis hyper excité, machin. Et à cette scène-là, il y avait aussi Félix Dian et d'autres Maurice, je ne sais plus, mais que je ne connaissais pas trop et tout. Et moi, mais, tu vois, ça fait 6 mois que je fais de la scène. Et à Bruxelles, ça se passait bien, mais bon, pour un débutant, hein, ça faisait quelques mois que je faisais de la scène. Et donc, je sais pas, moi, en fait, je me rendais pas compte que c'est peut-être encore un peu trop tôt pour aller jouer au point virgule à Paris, tu vois. Et je me dis, vas-y, tranquille, je suis en confiance, machin. J'avais écrit pas un nouveau sketch, parce que je suis pas fou, je vais pas aller tester au point virgule. Mais c'était un truc qui marchait bien à Bruxelles, quoi, tu vois. Et du coup, viens à ma place, et je suis pas spécialement bien placé. Je crois que je suis dans le début de la line-up, forcément, parce que bah, moi, je suis un vieux belge qui débute, machin. Et en gros, je commence à jouer mon sketch. Et dans mon sketch, je parle de Rochefort, qui est un concours d'humour. Oui, le festival de Rochefort, oui, bien sûr. Donc en gros, sur scène, je commence à parler de Rochefort. Et d'ailleurs, je parle, parce qu'à Rochefort, j'avais fait un bid. Et donc, je racontais mon bid sur scène. Ça marche souvent, ça. Les gens ont de l'empathie, ouais, après. Alors, par contre, ça marche très bien, sauf si tu bides en même temps, tu vois. Parce que si tu racontes un bid en faisant un bid, les gens disent, ouais, mais tu fais que ça, en fait. Genre, ah, c'est ça. T'es un petit peu le Inception de l'humour. Ouais, c'est ça, du bide. Et du coup, bref, je commence à raconter, je Rochefort, et je dis, ouais, je suis belge, en fait, tu vois. Parce que les gens, je situe la ville pour eux, qu'ils connaissent peut-être pas, tu vois. Et du coup, il y en a un qui fait, t'as toujours le seum ou pas? Et je fais genre, parce que c'était après la Coupe du Monde. Je suis pas très foot, tu vois. Donc, il me dit, t'as le seum ou pas? Je suis là, il n'y a pas de contexte, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Du coup, je le regarde, je fais genre, quoi? Et puis, il commence à chanter, ramener la coupe à la maison. Oh, le bâtard! Ramener la coupe à la maison. Allez, et moi, je suis là sur scène, devant, je crois, il y a 80 personnes à mon avis. Et je suis, mais dépité, je ne sais pas quoi faire, tu vois. Je suis là, attends, mais quoi? Moi, je fais 3h30 de Flixbus. Et lui, il chante mal en plus devant moi. Non plus. Moi, j'aurais pensé au début, quand il t'a dit est-ce que t'as encore le seum ou pas, j'aurais pensé qu'il parlait de ton bide, en fait. Ouais, mais non. mais comment il a pu sauter de ton bide à la Coupe du Monde? Parce qu'en gros, j'ai juste dit genre, ouais, Rochefort, ah oui, parce qu'en fait, je suis belge. Et à ce moment-là, il a dégainé en mode, ah oui, il est belge. Il attendait que ça, l'enflure. Je suis belge, et pour dire, ah ouais, ben t'as le seum. Ça se trouve, il avait une blague sur chaque nationalité, tu sais. Peut-être, hein. Mais non, mais et du coup, c'était très compliqué, parce que comme c'était mes débuts de scène, j'étais pas encore hyper à l'aise en impro et tout. Bien que ça arrive maintenant, je sais pas si je sais réagir bien non plus. Parce qu'en gros, là, en gros, je mettais des blancs, j'essayais de faire rire les gens, et donc je dis, c'est bon, t'as fini, ou un truc comme ça, et puis je fais genre, ouais, enfin. Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai essayé de le clasher, quoi. Et ça a un peu marché, les gens rigolaient avec moi. Sauf qu'après, je lui ai dit, ouais, en fait, ah oui, c'est ça, je dis, je m'arrête de parler, je dis, non, mais en fait, tu te mets la honte tout seul, ou un truc du style. Ouais. Et il fait genre, ben non, ça fait rire les autres. Et je suis là, waouh, le mec, il me défie en termes de sur ce qu'on appelle un heckler, vraiment un gars qui veut te casser, qui veut te déstabiliser, quoi. Ah ouais, mais là, il avait bien réussi. Et du coup, c'est un peu gênant et tout. Et heureusement, au début de mon sketch, c'était le moment où j'instaurais un truc de si jamais il y a une blague qui passe pas, je fais un bruit avec ma trompette. Enfin, ouais. Je te fais ça maintenant, tu vois. Ouais, tu vois, et ça m'aide. Enfin, j'ai dit au début, je fais ouais, si jamais il y a un truc qui est un peu gênant ou quoi, je fais ça et on sait que c'était gênant, on sait que tout le monde sait que c'était gênant et voilà, on passe à autre chose, tu vois. Et du coup, je suis un peu stabilisé après ce que le type me dit. Et il y a une fille du public qui me fait « Fais la trompette !» Et du coup, je fais la trompette, ça rigole. Et du coup, j'ai pu un peu continuer, tu vois. Ah, ça va. C'était ta porte de sortie. Ça a été clairement ma porte de secours même. Et genre, ouais, heureusement, ça s'est bien passé, vraiment, entre guillemets, parce que t'as perdu une partie du public. Moi, j'étais en transpiration totale. J'ai envie de le tuer, quoi. Parce que c'est pas respectueux, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu l'as enterré dans le quartier ou tu t'es éloigné un peu? Tu vois, il y a un fleuve qui passe. La Seine. Non, et tu sais, en plus, et le truc qui m'a encore plus saoulé, c'est que le mec s'est même pas excusé, il m'a pas parlé après, il a pas je sais pas, fait passer un mot ou ouais, vois, ouais. Il, pour lui en fait il s'est même pas rendu compte quoi. C'est, il est arrivé, il a regardé un spectacle, il a vu un jeune qui débutait, il s'est dit ouais je vais le couper, il a chanté, ça a fait rire un peu les autres, lui il a gonflé son ego et puis il est parti, tu vois. Bah c'est vrai que ouais, il aurait fallu lui montrer ton ticket de Flixbus où c'était marqué que le trajet faisait 3h30. Ouais. Peut-être qu'il y aurait eu une empathie plus grande. Non, mais c'est vrai que c'est abusé de pas t'avoir, de pas avoir désamorcé un petit peu, tu vois, ou d'être venu te voir à la fin pour te dire ouais, désolé, j'espère que tu l'as pas mal pris et tout. Parce que ça arrive des fois. Bah, il y a des spectateurs qui veulent faire de l'interaction avec toi. C'est un petit peu maladroit et toi-même, des fois, tu es un petit peu maladroit. Donc, ça refroidit un peu l'ambiance dans la salle. Et les gens autour se demandent mais qu'est-ce qui se passe et tout. Ça bloque un peu. Et la personne vient te voir à la fin, ça m'est déjà arrivé, tu vois, que la personne vienne te voir et te dise j'espère que tu l'as pas mal pris et tout. Moi, dans ces cas-là, à chaque fois, je dis bah non, c'est le jeu, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, c'est, ça part pas d'un mauvais sentiment. Alors que là, j'ai plus l'impression qu'on a affaire à quelqu'un, tu vois, le profil que tu me décris là, je me demande si c'est pas quelqu'un qui voudrait faire du stand-up, mais qui s'est jamais lancé. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, tu vois, et qui s'est dit eh ben, je vais prouver aux autres, c'est un peu son moment de gloire à lui, parce qu'il se dit je vais montrer à tout le monde que je suis marrant aussi. Et du coup, il a réussi son coup, puisqu'il a balancé un truc et les gens ont rigolé. Donc lui, ses applauses et ses rires, il les a pris à ce moment-là, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu d'applause. Mais je veux dire, lui, sa scène, son 30 points à lui, ça se passait siège 14B, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais ça, c'est sûr. Genre, déjà, il faut aimer avoir le centre de l'attention, quoi. Mais... Ben, je pense qu'il l'aimait, il aimait avoir le centre de l'attention. Ah, et c'est pour ça que je parle de la scène, parce que comme tu l'as dit, voilà, chanter devant ouais 80 personnes, c'est dingue quoi. Moi je sais qu'avant de faire de la scène, j'aurais jamais osé faire ça. Le mec, je pense qu'il lui manque juste la petite étincelle de monter sur scène. Mais il est sur la piste de décollage et il a pas encore décollé. Là malheureusement, il t'a vu toi, il s'est dit allez, je place mon pion et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue quoi de d'avoir des gens comme ça et c'est dommage parce que toi en plus, il est tombé sur toi, tu débutais. Alors est-ce que ça a été indiqué que tu débutais ou pas? Franchement, il y a moyen, ouais. Je serais plus dire, je pourrais plus affirmer, mais à mon avis, oui. Mais et là où ça a été cool par contre, c'est que mais je crois que c'était Félix Dian qui était présentateur, qui en gros à la fin pour tout pour clôturer quoi, il a fait une remarque sur ça, il a dit merci d'être venu machin, par contre c'est pas ouf de chanter pendant les passages des autres où il faut être un peu respectueux, un minimum respectueux ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais Félix, ça fait longtemps qu'il fait ça et il a les codes du stand-up et des soirées humour et tout, et clairement Quand t'es quelqu'un qui a l'habitude de ça, moi c'est pareil, tu vois, quand je présente une soirée, si jamais je vois ça, je vais dire les gars, soyez cool quand même, quoi. C'est pas facile de monter sur scène et tout, donc s'il vous plaît, respectez. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme l'a dit Félix, voilà, c'est le respect des autres artistes, quoi, tout simplement, le respect de la personne qui a pris son courage à deux mains et qui est montée sur scène et qui a tapé 3h30 de Flixbus, tu vois. Ah ouais, donc voilà, ça c'est mon anecdote, je crois la plus inattendue. Et celle qui m'a peut-être marqué le plus, et d'ailleurs le truc qui est bien, c'est que j'ai une vidéo de ça j'ai publié il y a longtemps du coup, mais sur Instagram j'avais filmé de dos pour voir mon passage, et du coup j'ai ça enregistré quoi, et on voit que je galère à répondre un peu. Est-ce qu'on voit les gouttes de sueur dans ta nuque? Ouais, presque. On c'est filmé sur le sol, donc on voit que mes jambes, mais on voit qu'il y a de l'eau qui tombe et on voit que mes jambes commencent à trembler un peu. Ah ouais, non, mais ça, c'est dur. Merci beaucoup, Nikos, pour cette belle anecdote. Et on espère que ce mec-là soit a fait de la scène et il a vu que c'était dur. Et du coup, il aura plus de respect dorénavant pour les artistes, soit qu'il a arrêté de déranger les artistes sur scène. Ouais, eh bien, en fait, je préfère la première. J'espère que c'était un mec qui voulait faire de la scène, qu'il l'a fait et qu'il s'est dit « Ah ouais !» C'est badant les types comme moi en fait. Genre... C'est vrai, c'est vrai. Mais moi j'ai vu ça, j'avais lu une histoire, je me rappelle plus du lieu, c'était un comedy club aux États-Unis. Il y avait un heckler qui était complètement bourré, vraiment qui a pourri la soirée des humoristes et il a été banni. Il a été banni du coin, tu vois. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, je sais plus, il a écrit au bar, il a dit « Je vous demande pardon, j'ai été… » plus que nul, quoi. Et j'aimerais justement monter sur scène pour voir ce que ça fait. Et, et donc, le propriétaire du bar est monté sur scène, il a lu la lettre du mec et il a dit maintenant, tu sais, il a rappelé les faits, hein, bien sûr, pour le mettre dans les bonnes conditions. Et il l'a fait monter sur scène et l'autre, il s'est pris un four. Mais vraiment dur, quoi. Tu vois, il y a des vannes qui ont marché, mais il a pris quand même. C'était plus un four qu'autre chose, tu vois. Et il a compris, il a dit, je recommencerai plus jamais à déranger les artistes sur scène. C'est trop dur de faire de la scène. Et donc voilà. Donc on espère que ce mec-là bah, vivra la même situation et que il reviendra peut-être vers toi. Bah, du coup, si tu nous écoutes, voilà, c'est Nikos sur Insta et tu peux aller lui demander pardon. J'accepterai pas. Ah, oh là, on sent la rancune, on sent la rancune. C'est faux, bien. Bon, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. L'humour, c'est le spectacle vivant, et puis bon, bah, y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et je pense que si le mec revient vers toi et qu'il te dit, j'ai fait une scène, j'ai galéré, et je comprends enfin ce que je t'ai fait subir, je pense que là, tu auras même envie de le prendre dans tes bras et dire, allez, vas-y, c'est... Viens, on va en parler. Allez, viens, t'inquiète pas, on en parlera, il n'y a pas de souci. Et n'hésite pas à me l'envoyer dans le podcast aussi. On fera un épisode spécial. On va l'appeler l'épisode ramener la coupe à la maison. Yes. Donc oui, j'ai parlé d'Insta. On peut te retrouver donc sur Insta. Donc Nikos, je mettrai le. Donc c'est 2O et 3Z, un truc comme ça. Genre 2O et 2Z. 2O et 2Z, pardon. Ok. Donc Nikos avec 2O et 2Z. De toute façon, je mettrai le lien. Et tu as Facebook également? J'ai également Facebook, ouais, qui est le même nom. Ma page Facebook, c'est aussi Nikos. N-I-K-O-Z. D'accord, ok. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.